Chapitre 9e. Il resta un moment déconcerté, et ce qui était plus grave dans sa situation, décontenancé, le bras tendu, les yeux fixés sur ceux de la marquise, sans rien pouvoir lire de ce qui se passait en elle. Sans être un don juan de profession, il y avait assez d'expérience des choses de ce monde pour savoir que quand un homme se décide à faire une déclaration formelle à une femme, il doit compter que cette déclaration lui coûtera beaucoup plus qu'elle ne lui rapportera. Attendu qu'en amour, les phrases, qui ont incontestablement leur utilité, ne sont pas le moyen employé lorsqu'on veut arriver rapidement à un dénouement immédiat. En se décidant à dire à Madame de Lucilière « Je vous aime », il ne s'attendait pas à ce qu'elle allait se jeter à son cou et lui murmurer à l'oreille « Je t'adore ». Mais d'un autre côté, il ne s'attendait pas non plus aux réponses étranges qu'il venait d'entendre. Madame de Lucilière était restée devant lui, à deux pas, et elle le regardait. Nul trouble en elle, nulle émotion apparente. Le sourire sur ses lèvres et dans ses yeux qu'elle tenait attachés sur lui. « Vous m'aimez, » dit-elle. « Ainsi vous m'aimez. » Il n'y avait rien de décourageant dans ces paroles, ni dans l'accent avec lequel elles étaient prononcées, ni dans le geste qui les accompagnait. Il voulut s'avancer vers elle, mais de sa main étendue en avant, elle le maintint sur le canapé. « Je vous en prie, ne me forcez pas à reculer encore. Chaque pas que vous ferez en avant m'en fera faire un en arrière. Laissez-moi plutôt reprendre ma place près de vous. Ah, venez. Oui, je viendrai. Mais quand vous m'aurez promis d'être aujourd'hui ce que vous avez été depuis que je suis votre garde malade. Vous avez donc oublié nos conventions, quand je n'autorisais de mouvements de votre part que des yeux et des lèvres. C'était aux malades, aux blessés, aux mourants que vous aviez imposé cette convention. C'était pour vous que je l'avais imposée. Aujourd'hui, c'est pour moi que je vous la rappelle. Promettez-moi de vous la rappeler. Permettez-moi de la tenir, et aussitôt je reviens près de vous. Et le puis-je? Ne voyez-vous pas mon émotion? Croyez-vous que, quand même, je prendrai formellement l'engagement que vous me demandez, je pourrai rester maître de mes paroles? Et qui demande que vous restiez maître de vos paroles? Parlez, mon ami. Tout ce que vous avez dans le cœur, dites-le. Je serai heureuse de vous entendre. Vous m'aimez? Dites-le. Dites-le 20 fois. Répétez-le toujours. Je ne vous fermerai pas la bouche, pas plus que je ne fermerai mes oreilles. Ai-je donc montré que j'étais malheureuse ou fâchée tout à l'heure quand vous m'avez dit que vous m'aimiez? Vous vous êtes éloignée de moi. Non, quand vos lèvres, non, quand vos yeux m'avouaient votre amour, vous le savez bien. La franchise ne vous appartient pas exclusivement, mon ami. Moi aussi, je suis franche, et je ne cache ni mes sentiments ni mes émotions. Qui sait si ce n'est pas ce point de ressemblance et de sympathie qui tout d'abord nous a tirés l'un vers l'autre. Quoi qu'il en soit, ou plutôt parce qu'il en est ainsi, je ne vous ai pas imposé silence quand vous m'avez dit que vous m'aimiez. Cet aveu, auquel j'étais loin de m'attendre, venait me surprendre étrangement. Mais je l'avoue, cette surprise était délicieuse. Vous m'aimiez, vous, vous qui m'inspirez tant de sympathie, tant d'estime. Vous pour qui, pendant votre maladie, je m'étais prise d'une si vive affection. Vous m'aimiez, vous m'aimiez. Quelle douceur dans votre voix, quelle passion dans vos yeux profonds, qui laissaient lire jusque dans votre âme. Et quand vous avez bien dit ces 3 mots « je vous aime », quel charme. Ah, magicien, vous voyez si je suis franche, et si je pense à cacher ou à dénaturer mes sentiments. Oui, j'étais heureuse, pleinement heureuse, heureuse comme je ne m'imaginais pas qu'on pouvait l'être. Je ne sais ce qu'une autre femme eût éprouvé à ma place et en vous écoutant. Je ne sais ce qu'elle eût dit, ni ce qu'elle eût fait. Pour moi, j'étais heureuse. Je me suis laissé entraîner par la joie, sans réfléchir, sans penser, emporté par la sensation de leur présence. En parlant, elle s'était insensiblement rapprochée et, tandis qu'il restait assis sur le canapé, les yeux levés vers elle, buvant les paroles qui tombaient de ses lèvres, elle se tenait légèrement penchée vers lui, l'enveloppant de son regard, l'enfermant dans le cercle magique que ses bras traçaient en se mouvant doucement comme les ailes d'un oiseau charmeur. « Vous ne vous êtes pas contenté des paroles, » dit-elle en continuant, « et je me suis éveillée de mon rêve poétique pour entrer brusquement dans la réalité. Votre bras, en s'étendant vers moi, a déchiré le nuage qui me portait. Mon ami, vous aviez oublié, n'est-ce pas, comme j'avais oublié moi-même, qui j'étais et où nous étions. Hein, malheureux ! Elle se cacha le visage entre ses deux mains. « Qui suis-je ? » reprit-elle. « Non, une jeune fille maîtresse de sa main et de son nom. Cela, vous le savez. » « Libre de son cœur, et c'est à votre cœur que je m'adressais. »« Oui, libre de mon cœur. Et si vous aviez besoin que je vous le dise, c'est avec bonheur que je vous l'affirme, oui. Le cœur libre, entièrement libre. Et c'est pour cela, précisément, que je vous écoutais avec tant de joie. Ah, pourquoi votre bras est-il venu rompre le charme et me rappeler qui j'étais et où nous étions ? Cette maison, mon ami, est pour moi celle de mon mari, pour vous celle de votre hôte. » C'était toujours la même pensée qui revenait dans la bouche de Madame de Lucilière. Mais cette fois, précédée de ses explications, elle était facile à comprendre et n'avait plus rien de contradictoire avec le sentiment qu'elle avouait. Qu'elle eût cette pensée de respect, elle, la marquise de Lucilière, telle qu'il la connaissait, ou plutôt telle qu'il avait cru la connaître jusqu'à l'heure présente, voilà ce qui était assez inexplicable, et ce qui, dans tout autre moment, lui eût paru sans doute tout à fait incroyable. Mais il n'était pas dans des conditions à douter de la parole de celle qui lui parlait, si étrange que pût être cette parole. Ce n'est pas quand une femme jeune, belle, séduisante entre toutes vous dit qu'elle est heureuse de votre amour. Ce n'est pas quand elle demande qu'on lui répète cet aveu. Ce n'est pas quand elle vous sourit, quand elle se penche sur vous, quand elle vous trouble de son regard ému, quand elle vous enivre de son souffle. Ce n'est pas alors qu'on peut l'étudier de sang-froid, peser ses paroles, interroger ses pensées. Est-ce que c'est tranquillement, avec l'esprit, qu'on les écoute, ces paroles ? Est-ce qu'on réfléchit ? Elle reprit après un moment de silence. « Je vous adressais une demande, vous n'avez pas répondu. »« Et que voulez-vous ? Que demandez-vous » s'écria-t-il. « Une chose bien simple, l'engagement formel, vous rappelez où vous êtes et qui je suis. » Comme il se taisait, la regardant avec des yeux troublés. « Eh bien ? » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Tenez, » dit-elle. « Laissez-moi simplifier ma demande. Je ne vous parle plus de cette maison, je ne vous parle plus de moi, je ne vous parle plus de personne autre que vous. Faites-moi la promesse de vous rappeler qui vous êtes vous-même, et je reprends ma place là, près de vous, à vos côtés, pleine de confiance, heureuse de vous écouter, heureuse de vous voir. Ai-je ma raison ? Vous la retrouverez, quand vous aurez pris l'engagement de vous rappeler que vous êtes un homme d'honneur, et quand vous penserez que c'est en cet homme que je me fie, en celui qui a mon estime, mon affection. Ne le prendrez-vous pas, cet engagement qui nous donnerait la liberté de nous entretenir côte à côte, sans crainte, loyalement, franchement, à cœur ouvert ? Allons, mettez votre main dans la mienne, regardez-moi. » Elle s'était encore approchée, et elle le brûlait de son haleine. Elle était si près de son visage qu'il ne la voyait plus que confusément. Il rejeta sa tête en arrière pour mieux la regarder. Et pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, elle, les deux mains tendues, lui, suspendu à ses lèvres entrouvertes, qui souriait doucement. « Allons, » dit-elle, « la main, donnez la main. » Il avança le bras. Elle lui prit la main, qu'elle serra dans les siennes. « Maintenant, jurez, » dit-elle, « et que voulez-vous que je jure ? Jurez, que vous vous souviendrez que vous êtes un homme en l'honneur duquel je me fie. » « Oh, ce n'est pas un serment pour l'éternité que je demande, et je veux tout de suite le limiter. Il ne vous engagera que jusqu'au jour où je vous le rendrai. Et si vous ne me le rendez jamais, quel homme vous faites, quel Américain pratique ! Allons, rassurez-vous, je vous jure qu'un jour, un jour, oh, je ne dis pas lequel, mais enfin un jour qui arrivera, plus tôt que vous ne pensez, bientôt peut-être, je vous le rendrai. Maintenant que j'ai juré, « voulez-vous jurer à votre tour ?»« Oui, tout ce que vous voudrez, je le promets, je le jure. La main dans la main, la main dans la main. Les yeux dans les yeux. Oui, je le jure, je le jure. » Alors, par un mouvement rapide, sans lui avoir abandonné la main, elle se trouva assise près de lui comme elle était avant de se lever, un peu plus rapprochée seulement et mieux en face. « Maintenant, » dit-elle en rejetant sa tête en arrière, « causons. « vous m'aimez donc ? Oh, il faut me le dire, comme tout à l'heure. Aussi bien avec la même voix, avec les mêmes yeux, il faut me le dire, il faut me le dire toujours, et encore. » Puis, s'interrompant tout à coup et le regardant en riant, Mais nous ne pouvons pas causer librement, dit-elle. Et si nous nous traitons ainsi sérieusement avec cérémonie... Monsieur le colonel, madame la marquise, votre petit nom, Édouard. Bien, désormais je vous appellerai ainsi. Voyons comment cela sonne-t-il à l'oreille, Édouard. C'est un peu dur, n'est-ce pas? Mon cher Édouard, c'est beaucoup mieux. Ne trouvez-vous pas que cela donne tout de suite de la douceur? Mon cher Édouard, mais c'est charmant. Moi, vous le savez, je m'appelle Henriette. Dites un peu, Henriette. Henriette? Oh non, ça ne va pas. Malgré votre excellente prononciation française, vous avez quelque chose de trop aspiré qui sent l'anglais. Je ne pourrais pas m'entendre appeler ainsi. Essayez un peu, ma chère Henriette. Chère Henriette. C'est parfait. Ce nom que je n'aimais guère est charmant prononcé par vous. Ah, chère Henriette, si vous pouvez être aussi adorable, comment, de notre côté, en même temps, pouvez-vous vous montrer aussi cruel? Cruel, moi? En quoi donc, voyez-vous que je suis cruel? Et ce serment? Oh, ne vous plaignez pas, mais plutôt réfléchissez. Si vous avez l'esprit porté à la réflexion en ce moment, et vous verrez que ce serment contre lequel vous vous débattez n'est pas fait pour décourager votre amour, mais bien plutôt qu'il doit l'affermir. Que pensez-vous de moi, mon cher Edward? Parlez franchement. Que vous êtes la femme la plus séduisante qui soit au monde. Oui, cela vous le pensez, je le crois, puisque vous m'aimez, et que la femme qu'on aime est toujours la plus charmante des femmes. Mais ce n'est pas cette réponse que ma demande cherchait. Nous n'en sommes plus à nous faire des compliments. Ce que je voulais savoir, c'est ce qu'on vous avait dit de moi dans le monde. Comme il se taisait, ne sachant que répondre à cette question. « Votre hésitation répond pour vous, » reprit-elle. « Et pour vous éviter l'embarras de répéter ce qu'on s'est chargé de vous apprendre, je vais vous le dire moi-même. On vous a expliqué, n'est-ce pas, que la marquise de Lucilière était une femme légère. Mais, oh, n'essayez pas de le nier. Je sais à peu près ce que, dans un certain monde, on pense de moi. » Parce que je me suis placé au-dessus de sots préjugés bourgeois qui n'étaient ni de ma race, ni de mon éducation, parce que j'aime mieux la compagnie des hommes qui pensent que celle des femmes qui babardent, parce que je ne prends jamais souci du « qu'en dira-t-on » et ne fais que ce qui me plaît. On a trouvé juste et naturel de dire, sans en rien savoir, que j'étais une femme légère. J'avoue qu'en général, cela m'est parfaitement indifférent, et que je ne lèverai pas un doigt pour changer cette opinion courante. Mais encore, est-ce à condition qu'elle ne sera adoptée que par des gens qui ne me connaissent pas, et pour lesquels je n'ai ni estime ni affection. Que cette opinion, que vous aviez reçue toute faite, fut la vôtre lorsque vous êtes venu chez moi pour la première fois, cela n'avait pas d'importance. Et je trouve tout naturel que, partant de cette idée, vous soyez dit que la marquise de Lucilière était une femme à laquelle il était agréable de plaire. En ajoutant tout bas, que cela d'ailleurs ne devait pas être bien difficile et qu'il fallait risquer l'aventure. Comment pouvez-vous penser? Penser, je ne pense pas. Je suis certaine que telle a été votre idée première. Et si vous voulez être franc, vous avouerez que lorsque vous m'avez demandé un entretien au bois de Boulogne, c'était ainsi que vous raisonniez à mon égard, est-ce vrai? Il est vrai que je ne vous connaissais pas alors comme maintenant. Cette phrase est pleine de politesse, mais je sais ce qu'elle veut dire. Il est vrai que vous trouviez alors que j'étais une femme assez jolie. Est-ce assez jolie? Adorable. Mettons adorable. Cela ne fait rien à mon raisonnement. Enfin, que j'étais une petite poupée qui ferait très bien à votre boutonnière. Quand, plus tard, vous verriez mon nom dans les journaux de High Life, ou quand vous entendriez parler de moi, vous vous diriez avec un sourire de satisfaction, et moi aussi, j'étais l'amant de cette jolie marquise. Ne me répondez ni oui ni non, c'est inutile. Je sais à quoi m'en tenir. Telle était donc à ce moment votre opinion à mon égard. Je vous plaisais, et même je vous plaisais d'autant mieux, que je ne devais pas vous offrir une résistance invincible. De sorte que pendant votre séjour à Paris, je devais vous offrir une distraction agréable. Elle se tut un moment, attendant une réponse, mais il ne répondit pas. N'était-ce pas ainsi que les choses s'étaient passées pour lui? N'était-ce pas précisément la distraction, la diversion à un sentiment sérieux qu'il était venu chercher auprès de madame de Lucilière? Pouvait-il nier qu'à l'époque dont elle parlait, tout ce qu'elle disait était vrai? Elle continua. Vous êtes venu ici. Mais alors, les circonstances ont voulu que vous puissiez me mieux connaître. Et vous avez vu que la petite poupée avait certaines qualités que tout d'abord vous ne soupçonniez pas. Vous vous êtes dit, avec surprise, que je valais peut-être mieux que ma réputation. L'expérience vous en a convaincu et le caprice dont vous aviez bien voulu m'honorer est devenu peu à peu un sentiment plus sérieux, plus élevé. Si bien que tout à l'heure, vous venez de me faire l'aveu d'un amour que je crois sincère, et qui n'a plus rien, je l'espère, de la fantaisie qui l'a précédé. Supposons un moment que j'étais la femme dont on vous avait parlé. Qu'aurais-je fait en écoutant cet aveu? Assurément, avec les sentiments que j'éprouvais pour vous, je ne vous aurais pas repoussé. Et j'aurais mis ma main dans la main que vous me tendiez, sans résistance, sans penser à exiger ce serment. Auriez-vous été heureux? Vous le demandez, chère Henriette. Non, je ne le demande pas. Je crois en effet que vous auriez été heureux, très heureux, plus heureux même que vous ne l'êtes en ce moment, bien que ma main soit dans la vôtre. Mais combien ce bonheur eût-il duré? Lorsque j'aurais été parti, vous auriez réfléchi. Et vous vous seriez dit que décidément la marquise de Lucilière était bien la femme dont on vous avait tant parlé. Sans doute vous n'auriez pas renié les quelques qualités réelles dont vous avez fait l'épreuve, mais pour le reste, vous auriez confirmé le jugement du monde. Et pourquoi non? Qui mieux que vous eût eu de solides motifs pour savoir à quoi vous en tenir? Le serment que j'ai eu la force d'exiger de vous empêchera, il me semble, ce triste dénouement. Vous apprendrez à me mieux connaître. Et vous achèverez dans les heures de l'intimité ce que vous avez commencé dans les heures de la maladie. Qui sait? La femme vaut peut-être mieux que la garde malade. C'est à voir. Ne voulez-vous pas en tenter l'épreuve? Oui, ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, rien que ce que vous voudrez. Vous verrez qu'à côté de la marquise de Lucilière, qui traverse la vie en riant, il y a une femme qui a un cœur. Alors vous m'aimerez autrement, peut-être. Vous m'aimerez mieux qu'en ce moment. C'est cet amour que je veux. C'est cet amour que vous me donnerez, n'est-ce pas, mon cher Édouard ? La première, elle se leva. Ne voulez-vous pas, dit-elle, que nous continuions notre promenade ? Si vous n'êtes pas fatigué, je voudrais vous montrer deux ou trois endroits agréables de ce parc. Et que m'importe ce parc, c'est vous, vous que je veux voir. N'aurez-vous pas plaisir, quand je ne serai pas ici, à revenir où nous avons été ensemble ? N'aurez-vous pas plaisir à vous rappeler ce que nous avons vu ensemble ? Ils continuèrent leur promenade, côte à côte, serrés l'un contre l'autre, parlant bas, s'arrêtant et restant longtemps face l'un de l'autre, les mains unies dans une même étreinte. La journée s'écoula comme un beau rêve. Les ombres, en s'allongeant dans les allées, les avertirent qu'il fallait penser à rentrer. D'ailleurs, le colonel avait les mains brûlantes et la tête en feu. C'était trop de fatigue, trop d'émotion pour ses forces. Le médecin qui survint, surpris de cette recrudescence de fièvre, ordonna le lit et le repos. Le colonel voulut résister, mais la marquise ne le lui permit pas. « Que nous donnerait quelques heures de plus ? » dit-elle. « Vous allez donc partir ?»« Non, je vais dîner près de vous, mais à condition que vous serez sage comme un malade. »« Laissez-moi reprendre mon rôle de garde-malade pour un jour, le dernier. » « Demain, c'est la femme qui viendra vous voir. » Il fallut bien qu'il céda et se remit aux mains d'Horace. La marquise, comme elle le lui avait promis, dîna dans sa chambre sur une petite table en face de lui, mais elle ne lui permit pas de parler. « Si vous parlez, je pars. Si vous ne parlez pas, je ne vous quitte que quand vous serez endormi. » La nuit vint, on ferma les volets et on apporta une lampe. Pendant assez longtemps, ils restèrent silencieux. Puis la marquise, prenant la lampe, passa dans la chambre voisine. Elle resta longtemps absente. Que faisait-elle? C'était la question qu'il se posait, lorsque tout à coup il lui sembla entendre un pas léger sur le tapis. On marchait doucement en se dirigeant vers son lit. Mais l'obscurité ne laissait rien distinguer dans la chambre sombre. « Vous êtes là ? » dit-il. On ne lui répondit pas. Mais presque aussitôt il sentit un souffle tiède lui passer sur la face. Et deux lèvres brûlantes se posèrent sur ses lèvres. Il voulait la retenir, mais elle s'était déjà éloignée. « À demain » dit-elle de la porte. « Henriette, à demain !» Elle entendit qu'il descendait l'escalier en courant. 2 minutes après, une voiture roula sur le sable du jardin. Elle était partie.